having a good time. Find you every time you find the door. Ain't gonna work for rockin' butter no more. Ain't gonna work for guess not no more. Purchase cigars, your face just forgets. This bedroom window made out of bricks, and I still love standing out the door. Ain't gonna work for this time no more. Ain't gonna work for this mother no more. Jail on 7, my man gone now. Red behind the shade, she's brain been wrong. 16 or 16 24. Ain't gonna work for my eyes, mars no more. Ain't gonna work for guess I'm no more. Where's my sword to be just like I am? Everybody wants you be just like them. Say why you're asleep and I'm just a boy. Ain't gonna work for this farm no more. Be there. You will be there. Milly faisait penser à une nymphe avec ses protubérances et toutes ces sortes de choses douces et féminines. Elle avait la peau aussi claire qu'un épi à lait juste avant la traite. Elle portait d'ordinaire une robe de gaze transparente, éthérée, qui rappelait étrangement son état spectral et ne dissimulait guère ses courbes affriolantes. Elle avait la voix aussi douce qu'une revenante, mais tout de même plus de cervelle qu'une nymphe et de substance qu'un fantôme. Maybe I should. Milly se retournait en souriant, comme toujours. Elle était devant l'évier et faisait la vaisselle. Vladimir Liquide, le fournisseur, n'avait vraiment pas inventé la poudre à récurer. Il avait conjuré le mauvais sort et livré de la poudre d'escampette à la place. Dor l'avait fait parler, la poudre, et on avait bien ri quand la nouvelle s'était répandue au château comme une traînée de poudre. En attendant, Milly avait décrété qu'elle aurait aussi vite fait de laver les assiettes à la main. Yeah. kids walking our streets. What did they do when we was getting our heads beat? My scene is picking up my damn gun, and I'm a mother. Have my baby in one hand, my gun in the other, and then I'm here, motherfucker, to get what's mine. I'm here, motherfucker, to get what's mine. I'm here, motherfucker, to get what's mine. Fumé. Quand il les a vus arriver, quatre cavaliers surgissent de nulle part, formés devant lui comme un rempart. C'est l'heure de l'apocalypse, l'amour est donc périmé. Est-il vraiment du bon à jeter? Le tonnerre qu'on a, le ciel sorti ici. Voir les voyants, alors ils comprirent. Les sans agneaux étaient tous là. Oui, même l'alpha et l'oméga. Vraiment du bon à jeter. Ouah! Du bon à jeter. Oui, j'en en croyais pas ses yeux. Thomas compte rentrer de si peu. Dans le fond, cette trompette retentit. Le monde pousse à son dernier soupir. C'est l'heure de l'apocalypse, la mort est donc périmée. Ah oui, c'est l'heure de l'apocalypse, il est-tu bon à jeter? Jonathan le zombie. Dor se renfrogna. Il n'avait rien contre les zombies, mais il n'aimait pas les voir rôder dans la maison. Il les trouvait répugnants avec leur habitude de semer sur leur passage des lambeaux de chair putride. try to capture the deep sleeps of life, but the dream dwells in space. Nothing at all. Old pills. Ce n'était pas une simple façon de parler. Les zombies hantaient les parages de Château-Haugnat depuis aussi longtemps que les fantômes, et les deux espèces avaient noué des contacts, forcément. We'll be right back. Moses allow a woman to run her hands all over him and kiss him when the Bible teaches him? Your hearts for this message, help us get it out. People need to know the truth in all denominations. Let's pray that millions may hear the other side through this album. Our address is on the back cover. Write for more albums. Have them sent to your friends or give them this address that they may have this message in their home so that the world might know the truth about the Lord Jesus Christ. Mais Milly était une femme maintenant, une femme bien vivante, en chair et en os. Surtout en chair, songea Dor en la regardant avancer d'un pas léger vers la porte de service. Par comparaison, Jonathan était un affreux mort-vivant, un cadavre ambulant. Comment pouvait-elle s'intéresser à lui ? Pierce Anthony, Château Aubenas. Right, but I Ce que maman dit se noie dans le grondement grisâtre du bus qui, en repartant, laisse apparaître un pub baptisés Renard et Matins. L'enseigne monte trois beagles qui encerclent un renard. Ils sont sur le point de bondir et de le réduire en charpie. Une plaque située juste en dessous indique Westwood Road. Les barons et baronnes sont censés être riches. Moi, je m'attendais à voir des piscines et des Lamborghini, mais non, Westwood Road est une rue comme une autre. Il y a de bêtes maisons ou pavillons jumelés en briques avec un jardinet sur le devant et une bête voiture. Le ciel humide a une couleur de vieux mouchoir. 7 pies s'envolent devant nous. 7, c'est un bon chiffre. Le visage de maman est à quelques centimètres du mien, mais je ne sais pas si elle est énervée ou inquiète. When I was at the witch trials of August, it was written, you are white crap, you are an aesthetic anesthetic, you're right noise. You gotta make it on the road. 'Cause we dig. We dig a repetition. We dig repetition in the music, and we're never gonna lose it. All you shit and creeps who are in a fancy music. Back. All the powers are back. Yeah. Je la suis en évitant de marcher sur les traits. Parfois, je dois deviner où ils sont car le trottoir est barbouillé de feuilles mortes en bouillie. À un moment donné, j'ai dû m'écarter du chemin d'un type au poing énorme qui trottinait en jogging noir et orange. Night. Noir et orange, ce sont les couleurs de l'équipe de Wolverhampton. Des baies bien rouges pendent aux branches de ce sorbier des oiseleurs. J'ai envie de les compter, mais le clip-clop des talons de maman m'entraîne dans son sillage. Elle a acheté ses chaussures en solde chez John Lewis avec le restant de sa bourse de l'Académie Royale de Musique, alors qu'elle a reçu une mise en demeure pour la facture de téléphone. Elle a mis sa tenue de concert et planté dans son chignon son épingle à cheveux en argent, une tête de renard. Son père la lui avait rapportée de Hong Kong après la Seconde Guerre mondiale. À la maison, quand maman donne un cours et que je dois me faire tout petit, je m'assois parfois à sa coiffeuse et sors le renard. Il a des yeux en jade, certains jours il sourit et d'autres non. Je ne me sens pas très costaud aujourd'hui, mais le Valium devrait faire effet rapidement. Le Valium, c'est super. J'en ai avalé deux. Il faudra que j'en prenne un peu moins la semaine prochaine, sinon maman va s'apercevoir que sa réserve diminue. Ma veste en tweed me gratte. Maman est allée la trouver chez Emmaüs pour aujourd'hui. Et le papillon aussi. Maman fait un peu de bénévolat le lundi parce que les meilleurs trucs que les gens ont déposés le samedi ne sont pas encore partis. Si Gaz Ingram ou quelqu'un de sa bande me voit avec ce nœud papillon, alors il y aura une crotte dans mon casier à l'école, c'est sûr. Maman dit qu'il faut que j'apprenne à me fondre dans le décor, mais c'est bien le problème, ça ne s'apprend pas. J'ai même cherché sur le panneau d'information de la bibliothèque municipale. En revanche, il y a une pub pour le club Donjons et Dragons. J'ai toujours voulu y aller, mais maman ne veut pas, elle dit que c'est flirter avec les forces occultes. Par la fenêtre d'une façade, je vois une course de chevaux. C'est l'émission Tribune sur BBC One. Les trois fenêtres suivantes ont des voilures, mais ensuite je vois une télé branchée sur un match de catch. Giant Haystacks, le gros méchant poilu, affronte Big Daddy, le gentil chauve, sur l'ITV. 8 maisons plus loin, il y a Godzilla sur BBC Two. Godzilla renverse un pylône et un pompier japonais au visage suant hurle dans le micro de son émetteur radio. Et puis voilà que Godzilla attrape un train, ce qui est impossible car les amphibiens n'ont pas de pouces. À moins que ce soit comme pour les pandas qui n'ont pas vraiment de pouces, mais plutôt une sorte d'ergo évolué. Peut-être que... Deprivation, we are sons of a woman down, hold me up. Fandango tanzt, was sie kann, was hat sie nur darunter an? Sie hat, sie hat Geschmack. Slade Alley est la ruelle la plus étroite que j'ai jamais vue. Elle part d'entre deux maisons, puis après une trentaine de pas, elle vire sur la gauche. Qu'un clochard se soit installé dans un abri en carton, j'arrive à l'imaginer, mais que des nobles vivent ici, non. Alive. Clément. Et aussi, j'encule Dieu, j'encule mes musiciens de merde, j'encule ceux qui vont me perdre, j'encule mes musiciens de merde. J'encule les étoiles, j'encule les cieux, les archanges et les démons, j'encule Dieu, j'encule mes musiciens de merde, j'encule ceux qui vont me perdre. La grande entrée se trouve sans doute de l'autre côté, pense-tu, maman. Slade House n'est qu'un pied-à-terre. Leur vraie demeure est située dans le Cambridgeshire. Si j'avais reçu 50 pence à chaque fois que maman avait prononcé cette phrase, j'en serais à 3,50 livres. Dans cette ruelle, il fait aussi froid et humide que dans la grotte de White Scar dans le parc naturel de Yorkshire Dales. Papa m'y avait emmené quand j'avais 10 ans. Au premier recoin de la ruelle, un chat mort est étendu par terre. Il est gris comme le sol lunaire. Je sais qu'il est mort parce qu'il est aussi immobile qu'un sac abandonné et que de grosses mouches boivent à ses yeux. Comment est-ce qu'il est mort? Il n'y a ni trace de balle ni marque de croc, mais il a la tête de traviole. Peut-être qu'un tueur de chat l'a étranglé. La scène rentre directement dans le top 5 de ma liste des plus belles choses vues dans ma vie. Peut-être qu'il y a une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans laquelle on pense que le bourdonnement des mouches est une musique. Peut-être que chez eux, je saurais m'intégrer. David Mitchell, comme il faut. Reaching for the pain, reaching for the pain.

Parler franc, là entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Oh, j'ai pas très bien commencé. Je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine. Je le répète pour la millième fois. Après bien des allers-retours, je termine vraiment au plus mal. Y'a l'âge, vous me direz. Y'a l'âge, c'est entendu. À 63 ans et mèche, il devient extrêmement ardu de se refaire une situation, de se relancer en clientèle, ci ou là. Oui, je vous oubliais, je suis médecin. La clientèle médicale, de vous à moi, confidentiellement, et pas seulement affaire de science et de conscience. Mais avant tout, par-dessus tout, de charme personnel. Le charme personnel passé 60 ans. Vous pouvez faire encore mannequin, potiche au musée, peut-être intéresser quelques maniaques, chercheurs d'énigmes. Mais les dames, le barbon tiré quatre épingles, parfumé, peinturé, laqué, épouvantail. Clientèle, pas clientèle, médecine, pas médecine, il écœurera. S'il est tout cousu d'or, encore, toléré, Mais le chenu pauvre, à la niche, écoutez un peu les clientes au gré des trottoirs, des boutiques. Il est question d'un jeune confrère. Oh, vous savez, madame, madame, quels yeux ce docteur. Il a compris tout de suite mon cas. Il m'a donné de ses gouttes à prendre, midi et soir. Quelle goutte! Ce jeune docteur est merveilleux. Mais attendez un peu pour vous, qu'on parle de vous. Grincheux, édenté, ignorant, crachoteux, bossu. Votre compte est réglé. Le babil des dames est souverain. Les hommes torchent les lois, les dames s'occupent que du sérieux. L'opinion. Une clientèle médicale est faite par les dames. Vous les avez pas pour vous ? Sautez-vous noyer. Vos dames sont débiles mentales, idiotes à bramer, d'autant mieux. Plus elles seront bornées, butées, très rédhibitoirement connes, plus souveraines elles sont. Rengainez votre blouse et le reste, ouais, on m'a tout volé à Montmartre. Tout, rue Girardon, je le répète, je le répéterai jamais assez. On fait semblant de ne pas m'entendre. Juste les choses qu'il faut entendre, je mets pourtant les points sur les i, tout. Des gens, libérateurs vengeurs, sont entrés chez moi par effraction et ils ont tout emmené aux puces. Tout fourgué. J'exagère pas, j'ai les preuves, les témoins, les noms. Tous mes livres et mes instruments, mes meubles et mes manuscrits. Tout le bazar. J'ai rien retrouvé. Pas un mouchoir, pas une chaise. Vendu même les murs. Le logement, tout. Soldé. Pocheté. Tout est dit. Votre réflexion, je vous entends, bien naturelle. Oh, que ça vous arrivera pas. Rien de semblable vous arrivera. Que vos précautions sont bien prises. Aussi communiste que le premier milliardaire venu, aussi poujadiste que Poujade, aussi russe que toutes les salades, plus américain que Buffalo. Parfaitement chevillé avec tout ce qui compte, loge, cellule, sacristie, parquet. Nouveau Frunze comme personne. Le sens de l'histoire vous passe par le mi des fesses. Frère d'honneur, sûr. Valet de bourreau, on verra. Lécheur de couperet, is. Take what you get.